zaveo kama je dans mal ou kasuri ou fait sortir des poussards qu'a senti ou protégé qu'on si dès que fini mais vous méfiez-vous de ça. Sauver. Ça qui est difficile, c'est gâter.